Chapitre 1. Il y aurait un mois ce soir qu'ils avaient quitté Londres. 4 semaines d'une navigation interrompue par de brèves escales, la plus importante ayant eu lieu à Cuba. 4 semaines d'angoisse et d'insomnie passées à scruter l'océan. Car la mort était là, cachée sous le gris des vagues, invisible. Ami, chaque fois qu'elle s'accoutait au bastingage, la sentait rôder à 10 encablures. À côté d'elle, Sharon, devinant ses angoisses, plissait les yeux pour sonder les flots. « La mer, disait la fillette, ça ressemble à une peau d'éléphant. » Ce n'était pas faux. Par calme plat, les lames se muaient en une multitude de rides superficielles, de plis, de sillons. Amy, elle, avait l'impression de contempler une plaine d'asphalte infinie, une piste d'atterrissage désespérément vide, attendant le retour d'une escadrille fantôme à jamais égarée dans les brumes du Walhalla. Elle avait conscience de se laisser submerger par ses fantasmes, mais le voyage interminable favorisait les dérives mentales. « C'est vrai, demanda Sharon, qu'un sous-marin allemand nous suit pour nous couler ?» Depuis une semaine, on ne parlait que de cela. La rumeur était née dans la bouche de Suzanne Worthington, une ex-infirmière de 70 ans, qui affirmait avoir repéré une ombre grisâtre au ras des flots par le travers arrière bâbord, alors qu'elle prenait le soleil sur le sun deck installé à la poupe. Il ne s'agissait pas plutôt d'une baleine ou d'un cachalot, avait aussitôt contre-attaqué les hommes. Non, s'était entêtée Suzanne Worthington, ce n'était pas vivant. Je ne suis certes pas experte en zoologie, mais je crois me rappeler que les baleines n'ont pas de tourelle au milieu du dos. N'est-ce pas ? Les passagers avaient faim de prendre l'information avec le sourire. La pauvre Suzanne n'avait pas une très bonne vue. Et puis, comme toutes ses semblables, elle n'y connaissait pas grand-chose en matériel militaire. « Une baleine !» affirma Jonas Lonsdale Crawford en nettoyant son monocle. « Une baleine à bosse !» La présence hypothétique du cétacé fantôme avait entraîné d'interminables discussions au bar. Discussion arrosée de whisky et ponctuée de recours aussi pointilleux que fréquents à l'Encyclopédia Britannica, dont les rubriques consacrées au cachalot furent épluchées avec une attention maniaque. Tout le monde cherchait à se rassurer. Il ne peut s'agir d'un U-boat, radotait Lonsdale Crawford. Nous naviguons trop loin des côtes. Leur autonomie n'est pas assez grande. Ils n'ont pas l'habitude de descendre aussi bas. Nous sommes depuis longtemps sortis de la zone dangereuse. L'autonomie, ça ne veut plus rien dire, objectait aussitôt Lionel Bardington. Ils ont des ravitailleurs. Ils appellent ça des mers, ou encore des vaches laitières. Ce sont d'énormes tankers sous-marins qui permettent justement aux loups, aux houlots si vous préférez, de s'éloigner des routes habituelles en les fournissant en accus, torpilles et bonbonnes d'oxygène. On dit qu'ils n'attaquent pas les paquebots, gémit Ethel Pumper, une veuve qui voyageait avec sa demoiselle de compagnie et ses 3 caniches primées. Seulement les cargos. Ma pauvre amie ricana Bardington. Ça, c'était au début, quand ils jouaient encore au gentleman. Ça leur est vite passé. Hitler y a veillé. Aujourd'hui, ils ont ordre de torpiller tout ce qui flotte, qu'il y ait des femmes, des enfants ou des blessés à bord. On m'a assuré qu'il tirait un coup de semonce pour laisser le temps au capitaine d'évacuer les passagers civils, insista Ethel au bord des larmes. Il ne torpille le navire qu'une fois les voyageurs descendus dans les canots de sauvetage. Certains le font, d'autres pas, grommela son interlocuteur. Ça dépend des commandants. Moi, on m'a raconté que la plupart liquident les rescapés à la mitraillette. Berlin leur interdit de porter secours aux blessés, ils ont ordre de faire place nette, et ils ne s'en privent pas. Ne vous faites pas d'illusions, si on nous torpille, nous y resterons tous. Amy fuyait ces discussions stériles où les hommes s'amusaient tour à tour à terrifier, puis à rassurer les femmes lorsqu'ils prenaient conscience d'être allés trop loin. On parlait beaucoup, on buvait tout autant. Les dames s'étaient peu à peu laissées happer par cette vilaine habitude, et le Darjeeling des jolies théières avait dû s'habituer à cohabiter avec le pur malt. La peur avait installé une atmosphère d'alcoolisme mondain où fusaient les trilles de rire qui sonnaient faux. Le navire avait pour nom Almoa III. Il battait pavillon panaméen. Une protection illusoire, grommela Bardington. Il y a belle lurette que les nazis ne respectent plus les drapeaux de complaisance. L'Almoa était un ancien cargo dont on avait essayé de transformer la poupe en paquebot afin d'y accueillir des passagers prêts à payer le prix fort pour quitter l'Angleterre au plus vite. Les aménagements laissaient à désirer. Un décorateur de théâtre avait vainement tenté de faire oublier la vocation première du navire en multipliant moulures, angelots et miroirs. Hélas, les dorures sentaient le stuc à plein nez, l'humidité décollait les lambris, et il arrivait qu'on trouvât des cafards dans la literie. Comble de malchance, le sabot se traînait à petite vitesse, sa cheminée crachant un nuage semé d'étincelles qui devait se voir à 10 lieues à la ronde. Les jours qui avaient suivi le départ de Londres s'étaient écoulés dans une stupeur silencieuse, les passagers, cramponnés au bastingage, passant leur journée à redouter l'apparition d'un périscope. Le moindre bidon flottant à la dérive provoquait des crises de panique dont on mettait des heures à se remettre. L'Almoa naviguait en compagnie de 3 autres paquebots au milieu d'une flottille d'escorteurs militaires chargés d'assurer leur sécurité. En théorie, avait marmonné Ziegfeld Hortz, l'idée n'est pas mauvaise. Le problème, c'est qu'aucun bateau n'avance à la même allure. À la première défaillance mécanique, le reste du convoi nous distancera et nous nous retrouverons en queue de peloton livrés à nous-mêmes. Et puis, il y a la brume, la tempête, toutes ces choses qui font qu'un convoi se disloque. Quand l'écart entre chaque navire devient trop grand, il n'y a plus de protection qui tienne. Lorsque les mailles du filet sont trop larges, le requin s'y faufile sans même s'y écorcher les nageoires. Amy serrait les dents quand elle surprenait son père adoptif en train de s'écouter parler. Il n'avait jamais pu se départir de ses habitudes d'ancien monsieur loyal, et il fallait toujours qu'il en fasse trop. À cause de son accent teuton qui aurait éveillé la méfiance, il feignait d'être quasi muet. Lorsqu'on l'interrogeait, il désignait sa gorge en grimaçant et murmurait d'une voix d'homme des cavernes « Le larynx, une balle afghane, la kyberpasse, sacrée bataille !» On hochait la tête, impressionné par le stoïcisme de cet ancien officier de l'armée des Indes. Sharon, avec son visage brûlé, avait tout de suite inspiré le respect horrifié. « Le blitz, les bombardements !» avait lâché Amy. « Le phosphore, ça ne pardonne pas !» Ces dames bredouillaient des paroles de compassion que le mélange thé plus gin rendait incompréhensible. La fillette s'amusait du malaise qu'elle provoquait en surgissant au milieu des adultes. Elle s'appliquait à fixer les grandes personnes dans les yeux pour le plaisir de les voir détourner la tête. Elle chronométrait les performances de chacun. Bardington était le seul capable de soutenir son regard. « Peut-être parce qu'il me hait, » songeait-elle. Suzanne Worthington, l'ex-infirmière, avait pris Amy à part pour lui suggérer. « Et si vous lui faisiez porter un masque de soie ? » Quand j'étais en service, au Bedford Hospital, le médecin-chef procédait ainsi avec les aviateurs brûlés au visage. Il prétendait que cela facilitait leur réinsertion psychologique. « J'ai bien peur que votre petite fille ne devienne une sauvageonne et n'entretienne un rapport malsain avec son infirmité. Un masque de soie, oui, je pourrais le découper si vous le souhaitez. » Amy n'avait osé refuser. Elle ne voulait pas courir le risque de se singulariser. Elle avait déjà bien assez de soucis avec l'accent de Ziegfeld. Si les passagers de l'Almoa les prenaient en grippe, cela pourrait s'avérer dangereux. Ne voyageaient-ils pas tous les 3 avec de faux passeports ? Depuis le début de la traversée, elle était sur les nerfs, s'attendant chaque matin à être mise au fer. L'espionnite était devenue le sport préféré des Britanniques. On chuchotait en présence des inconnus, on se méfiait des serveurs comme des marins. Avec sa tignasse flamboyante, Amy avait trop l'air d'une Irlandaise pour qu'on lui fît confiance. Les Irlandais, n'est-ce pas ? Vous comprenez, lui avait déclaré Bardington avec un clin d'œil entendu. La 5e colonne est partout. Les premiers jours, tout se passa bien, la cohésion des vaisseaux resta parfaite. Ils avançaient en masse compacte, pris dans la parenthèse réconfortante des escorteurs. « Ces bateaux sont bourrés de gredins de profondeur », expliqua Bardington aux dames, sur le ton qu'adopte un conférencier pour détailler la fécondation des orchidées. Ils sont tous équipés d'un radar immergé qui amplifie les bruits aquatiques. Cela leur permet de repérer de très loin la cavitation d'un sous-marin. Il employa à 3 reprises le mot « cavitation » dans l'espoir que quelqu'un se décide à lui en demander la signification. Il avait l'air de sucer ce terme avec délice, comme un caramel au beurre. Enfin, Ethel Pumper se décida à lever le doigt pour réclamer l'éclaircissement tant souhaité. Mais il s'avéra qu'elle avait compris « décapitation » au lieu de « cavitation », ce qui agaça Bardington. C'est ainsi que les spécialistes désignent le bruit particulier engendré par la rotation des hélices en milieu aquatique, la chasse dernier. C'était un homme courtaud, vêtu avec recherche de costumes coupés à Seville Row. Il disait avoir professé à Eton avant de s'orienter vers le commerce des œuvres d'art. Il aimait employer des tournures démodées et citer Milton 10 fois par jour. Il abhorrait Shakespeare, trop vulgaire, mais semblait le connaître par cœur. Sharon le détestait. « Il ment », avait-elle confié à Amy. « Tout en lui est faux de la tête aux pieds. Soit c'est un escroc, soit c'est un espion. » « Un escroc, c'est bien possible », avait admis Ziegfeld. « D'ailleurs, tous nos compagnons de voyage ont des têtes d'escrocs. À mon avis, ils n'ont pas quitté l'Angleterre sans biscuits. Ça pourrait être intéressant. » « Que veux-tu dire ?» s'impatienta Amy qui se méfiait des initiatives du vieux voleur. « Je veux dire que ces belles dames et ces beaux messieurs de la gentry n'ont certainement pas oublié leur magot lorsqu'ils sont montés à bord de cette coque de noix, et que les sous de l'Almoa sont à coup sûr un vrai coffre-trésor. Il faut y réfléchir. Cela pourrait nous aider à redémarrer une nouvelle vie, là-bas, en Australie. « Tu es fou !» explosa Amy. On ne commet pas un cambriolage sur un bateau. Comment comptes-tu t'enfuir avec le butin? À bord d'un you-you? Elle s'en voulait de se montrer si cassante, mais elle avait un mauvais pressentiment. Pourquoi les U-boats nous torpilleraient-ils? Demanda-t-elle. L'Almoa n'est qu'un petit bateau plutôt minable. Justement, ricana Ziegfeld. Les Alliés utilisent ce genre de sabots pour transporter des armes, des munitions. On dit même qu'ils se servent des navires hôpitaux pour acheminer des troupes aux endroits stratégiques. C'est pourquoi la Kriegsmarine a décidé de ne plus respecter la Convention de Genève. Si le commandant du sous-marin appartient au parti, ça peut faire du vilain. Les nazis ne font pas dans la dentelle. Comme pour lui donner raison, le brouillard s'étant levé, le convoi commença à s'étirer. Tout devint compliqué car il fallut dès lors naviguer dans l'obscurité. Tout feu éteint. Le capitaine sermonna les passagers. N'allumez pas la lumière dans les cabines sans avoir au préalable tiré les rideaux. La nuit, un hublot illuminé se voit de loin. Il devient vite un signal, une balise. C'est comme si vous disiez « Je suis là, torpillez-moi, messieurs les teutons. » « Nous avons saisi votre pensée, » siffla Bardington, vexé. « Pas la peine d'en faire des tonnes. » « Tout de même, gémit Ethel Pumper, vivre dans le noir, c'est angoissant. Mes chers petits vont aboyer. J'espère que les nazis ne les entendront pas. » Elle s'affolait déjà, imaginant ces caniches cédant à la claustrophobie. « Vous devriez peut-être leur ficeler le museau, » suggéra Sharon avec son plus charmant sourire. « J'allumerai une petite bougie, » décida la grosse femme entêtée. « Une toute petite bougie, ça ne fera de mal à personne. » La nuit parut longue à tout le monde. Rassemblés au bar, dont les lampes avaient été soufflées pour la circonstance, les passagers sirotèrent des grogs en fumant des cigares. On commença par discuter en chuchotant, mais bientôt le silence s'installa, et chacun tendit l'oreille, guettant la fameuse cavitation dont il venait d'apprendre l'existence. « On ne risque rien, » décréta Lonsdale Crawford en triturant sa moustache beige. Les escorteurs tendent des filets dans l'intervalle qui les sépare les uns des autres. Aucun sous-marin ne pourra passer. Pour nous atteindre, il faudrait qu'ils coulent d'abord les vaisseaux de l'amirauté. « Vous n'y connaissez rien, cher ami, » siffla Bardington. « Les filets sont relevés par gros temps, car il risquerait de se prendre dans les hélices des escorteurs. « Cela vous amuse sans doute d'effrayer ces dames ?» riposta son interlocuteur. « Non, » fit Bardington sans se démonter. « Je pratique le stoïcisme. Je pense sincèrement qu'il ne sert à rien de jouer les autruches. Je n'ai pas peur de la mort. Je l'affronterai sereinement lorsqu'elle se présentera à moi. » Ami, qui savait ce que valait ce genre de profession de foi, s'éloigna à tâtons pour regagner sa cabine. En outre, la puanteur des cigares l'incommodait. Elle avait toujours eu en horreur les affaîteries des fumeurs de Havane et leur habitude obscène de tripoter interminablement ses longs rouleaux de tabac. La nuit s'écoula sans que l'Almoa soit torpillée. Une mauvaise surprise attendait néanmoins les voyageurs lorsqu'ils sortirent prendre l'air aux premières lueurs du jour. Le bateau, trop lent, s'était laissé distancer par les escorteurs. On était désormais seul au milieu de l'océan, sans protection aucune. 3 heures plus tard, l'écho d'une explosion lointaine fit sursauter les passagers. Ils se ruèrent sur le pont pour constater qu'un panache de fumée s'élevait à l'horizon. Le vent, en le déformant, lui avait donné l'apparence d'un arbre au tronc sinueux. « Un des destroyers vient de se faire torpiller, » commenta Bardington. « Il faut voir les choses du bon côté. Pendant que le sous-marin harcèle le convoi, il ne s'occupe pas de nous. » Les dames se décrétèrent choquées. Mais chacun, dans le secret de son âme, estima que cette réflexion ne manquait pas de bon sens et s'en trouva rassurée.